La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans son cours consacré cette année à la démocratie du 21e siècle, les voies nouvelles de la souveraineté du peuple, Pierre Rosan Vallon a distingué trois terrains d'exercice de la souveraineté populaire. Les pouvoirs de surveillance, les formes de souveraineté négative et les mises à l'épreuve d'un jugement. Après avoir déployé l'histoire et fait l'état des lieux des pouvoirs de surveillance, Pierre Rosan Vallon a fait le point sur les forces de négativité non institutionnelle qui incarnaient au XIXe et au XXe siècle la souveraineté critique à l'égard des pouvoirs. Il distinguait, dans son cours d'hier, trois figures de souveraineté négative: l'insurgé, le résistant et le dissident. Ces trois figures étaient, à son avis et en l'état actuel de son analyse de la démocratie en Europe, devenues obsolètes. Mais par quoi sont-elles donc aujourd'hui remplacées? On assiste en effet à une judiciarisation des pouvoirs. C'est de cela que Pierre Rosan Vallon nous parlera dans le cours que nous entendons ce matin et dans celui de demain matin. Nous abordons donc le troisième volet de son analyse, les mises à l'épreuve d'un jugement. Consiste à mettre à l'épreuve une conduite ou une action. Cela revient de cette façon à radicaliser et à développer l'idée de surveillance. Cela prolonge également l'exercice d'une suspicion en impliquant que soit prononcée une décision conclusive. C'est donc une opération, le jugement, qui participe d'une activité générale de contrôle. Le travail du jugement déborde de cette façon le cadre strictement judiciaire. Il faut ainsi entendre ce terme de jugement de façon très large, comme appréciation, instruite et argumentée, processus d'examen d'une question qui conduit à la trancher. Le vote et le jugement sont dans cette mesure deux procédures distinctes qui visent un même objectif: décider, trancher en vue du bien commun. Ce sont deux formes politiques que l'on peut rapprocher et comparer. Il y a dans les deux cas un même pouvoir du dernier mot. Cette expression « pouvoir du dernier mot » a été employée à la fin du XIXe siècle pour caractériser la qualité essentielle du suffrage universel. Mais dans le jugement, il y a également la manifestation de cette même qualité, la puissance du dernier mot. On peut comprendre dans cette perspective que les citoyens, cherchent à jouer sur les deux tableaux et qu'ils poursuivent comme juges ce qu'ils estiment n'avoir pu obtenir de façon satisfaisante comme électeurs. Cette fonction, ils peuvent parfois l'exercer directement quand ils siègent comme jurés dans une procédure formelle ou de façon beaucoup plus large quand ils participent sous les diverses espèces de l'activité médiatique ou de l'intervention militante à l'équivalent d'une instruction. Cependant, même lorsqu'elle est déléguée à l'appareil judiciaire en tant que tel, cette fonction de jugement conserve encore une dimension sociétale. D'abord parce que la justice est rendue au nom du peuple, mais plus largement parce que son exercice accomplit une attente collective et qu'elle est inscrite dans un champ de force où interviennent de façon pressante des organisations de la société civile ou bien le poids diffus de l'opinion. La mise à l'épreuve d'un jugement ne peut donc pour cela être assimilée de façon raccourcie au seul exercice d'un pouvoir judiciaire autonome. Les choses doivent être comprises de façon plus large, inscrites dans le cadre de multiples interactions. Le juge aujourd'hui reconnaît d'ailleurs volontiers lui-même cette imbrication quand il estime qu'il doit s'engager et jouer son rôle dans la construction de la cité. Je vous renvoie sur ce point au remarquable discours de rentrée que le président de la Cour de cassation, M. Canivet, a prononcé pour la rentrée judiciaire 2006, qui insistait sur cette fonction de l'engagement du juge comme une définition essentielle de sa fonction. La tendance contemporaine à la superposition croissante du judiciaire et du politique ne prend ainsi sens que si elle est resituée dans un tel cadre élargi des formes politiques, faisant le lien entre les propriétés du vote et les propriétés du jugement. L'appréhension de la politique comme jugement s'impose d'ailleurs pour l'historien. À Athènes, le tribunal du peuple joue ainsi un rôle aussi important que l'Assemblée des citoyens, nous allons y venir. Plus tard, en Angleterre, les premières manifestations d'un contrôle véritable de la monarchie prennent la forme de mise en accusation, c'est ainsi qu'il convient de traduire le terme d'impeachment, de la procédure d'impeachment, de personnalité au pouvoir. Plus près de nous, dans l'Amérique du XXe siècle, la mise en place dans certains États de la procédure du recall, permettant la révocation par le suffrage universel de responsables élus, revient aussi à instruire l'équivalent d'un procès politique sous les espèces d'une procédure apparemment électorale. Ces trois exemples, empruntés à des époques différentes, suggèrent que l'histoire de la démocratie ne peut se limiter à une histoire de droit de vote et du régime parlementaire. L'histoire de la démocratie est aussi liée en profondeur à l'idée d'un jugement des gouvernés par la société. L'activité contre-démocratique de jugement ne s'est pas seulement limitée à ces différentes figures du citoyen-juge que je viens d'évoquer. Elle peut également être appréciée comme une production autonome et concurrentielle des normes. Un des aspects essentiels, quoique largement méconnu, de l'activité des jurys populaires dans les démocraties, a ainsi historiquement consisté à redresser ou à modifier l'esprit de la loi dans la formulation de leur verdict. Ce fait témoigne, là encore, d'une forme d'activité citoyenne parallèle à celle de l'électeur, activité correctrice à sa façon de cette dernière, lorsque le citoyen juré infléchit en pratique la règle fixée par ceux qu'il a élus dans ce rôle de citoyen électeur. Mais il y a encore d'autres modalités d'intervention que j'appellerai quasi-législative de cette nature, qu'il convient de prendre en compte, je les évoquerai rapidement. Cette approche doit nous conduire, en poursuivant la réflexion sur le sens et les formes de la mise à l'épreuve d'un jugement, à reconsidérer le sens de ce qui est souvent appréhendé comme une judiciarisation du politique. Derrière l'élévation évidente de la figure du juge, c'est en effet beaucoup plus profondément un nouveau régime de la vie démocratique lié à ces mises à l'épreuve d'un jugement dont il convient d'apprécier l'ampleur. Évaluer cette fonction du jugement présuppose d'abord un détour historique. C'est de recomprendre ces trois expériences auxquelles j'ai fait référence, l'exemple grec, l'impeachment anglais et le recall américain, comme modalité historique essentielle d'existence de ce peuple juge. Commençons avec l'exemple grec. Ouvrons la politique d'Aristote. Nous y lisons « Un citoyen, au sens plein du terme, se définit adéquatement par sa double participation à une fonction judiciaire et à une fonction publique. » Donc, Aristote définit le citoyen comme celui qui exerce à la fois les fonctions de juré, dicastès, et celui qui participe à l'assemblée, ecclésiastès. Juger et voter sont donc deux dimensions considérées comme inséparables de la citoyenneté pour l'auteur de la politique. Le tribunal du peuple, dicasteria, et l'assemblée du peuple, l'ecclésia, sont pour cela les deux institutions centrales et complémentaires de la démocratie athénienne. Au sein de l'assemblée, 6000 citoyens, c'est leur nombre, se réunissent de 30 à 40 fois par an pour décider de la politique intérieure et extérieure. Mais dans les tribunaux, des jurys conséquents, puisque ces jurys comportent 201, 401 ou 501 personnes, pour évidemment les nombres impairs permettant d'éviter qu'en cas de doute dans le verdict, il y ait une égalité absolue, ces jurys qui sont tirés au sort tranchent les contentieux qui concernent des actions publiques plus encore que des actions privées. Il y a bien donc, dans les deux cas, appréhension d'une participation active et directe à la vie de la cité. Le rapprochement de ces deux fonctions, voter et juger à Athènes, s'éclaire lorsqu'on rappelle la nature assez spécifiquement politique de l'action des tribunaux à Athènes. La différence avec le rôle des cours de justice dans les démocraties contemporaines est sur ce point capitale. Dans nos régimes, les tribunaux sont essentiellement chargés de trancher les différends civils et de juger les affaires pénales. Ces questions mobilisent la plus grande part de leur fonctionnement. Il y a certes aussi une dimension plus politique de l'activité judiciaire en matière de résolution des conflits entre les citoyens et l'administration, par exemple, mais surtout avec les procédures de contrôle de constitutionnalité là où elles existent. Mais cet aspect, en termes de volume d'activité tout du moins, est relativement secondaire. Il en va tout différemment dans la Grèce classique. Le recours aux tribunaux y est très limité pour les affaires de droit privé, celles-ci se réglant le plus souvent à travers des procédures d'arbitrage. Nombre d'affaires criminelles sont de leur côté traitées directement par différentes catégories de magistrats sans qu'un procès soit organisé. Dans ces différents domaines, des affaires criminelles et civiles, les tribunaux ne siègent de fait à Athènes qu'en appel. L'essentiel de l'activité judiciaire athénienne est en fait ailleurs. Elle concerne le contrôle et la sanction des actions proprement politiques. Les tribunaux se consacrent avant tout à l'examen du fonctionnement et des décisions de l'Assemblée, du Conseil, ainsi que des différentes catégories de magistrats et de dirigeants de la cité. Les tribunaux ont ainsi une activité qui est effectivement principalement politique, d'où leur centralité dans la structure de la démocratie athénienne. Un grand nombre de procès instruits par les tribunaux du peuple à Athènes s'apparentent donc à ce que nous appellerions aujourd'hui des procès politiques. Fait significatif, il n'y a d'ailleurs aucun terme aussi spécifique dans la langue grecque, comme s'il ne s'agissait que d'une expression redondante. Entre procès et procès politique, la différence n'est pas intelligible à Athènes. Ces procès ont pour caractéristique qu'ils visaient toujours des individus en position de responsabilité. Ceux-ci pouvaient être poursuivis pour plusieurs catégories de faits. Pour corruption d'abord, c'est le cas le plus évident, auquel se rattache toute une série de mises en accusation fameuses. On peut penser par exemple à celle de Cimon, accusé d'avoir été soudoyé par Alexandre de Macédoine. Mais également, mise en accusation pour négligence, ou même simplement pour imprudence, dans la conduite de l'action publique ou militaire. Voir le célèbre procès des généraux athéniens, qui, bien qu'ils aient remporté la célèbre victoire d'Arginusae en 406 avant Jésus-Christ, ont été accusés de ne pas avoir bien organisé le sauvetage des blessés et de ne pas avoir ramassé les corps après la bataille navale. Les poursuites pouvaient encore être déclenchées contre ceux qui proposaient des décrets jugés inconstitutionnels ou tout simplement contraires aux intérêts du peuple. Les accusations d'impiété à Sébéia jouaient enfin un rôle extrêmement important, renvoyant dans les faits ces accusations d'impiété à des catégories d'actions qui pouvaient souvent être assimilées à des offenses contre l'État ou l'ordre social. Les hommes politiques, entre guillemets, visés, entre guillemets parce que le terme n'existe pas non plus en grec, étaient essentiellement les orateurs et les stratèges, c'est-à-dire les grandes figures de l'Assemblée, ainsi que les chefs militaires, ceux qui incarnaient le plus évidemment et le plus fortement le pouvoir exécutif. Le tribunal du peuple était de la sorte un des hauts lieux de la vie politique athénienne, et le procès était une des formes les plus évidentes et les plus fortes de l'activité civique. Ce fait était d'ailleurs reconnu par les contemporains comme une des caractéristiques les plus évidentes d'Athènes. Celui qu'on appelle le vieil oligarque souligne ainsi que ses habitants étaient connus pour intenter plus de procès que tous les autres Grecs réunis. Et dans les nuées d'Aristophane, un personnage refuse même de reconnaître un point qu'on lui indique être Athènes sur une carte au motif que cette carte n'indique pas l'emplacement des tribunaux. Ces procès politiques à Athènes se rangent en deux grandes catégories. Les procédures d'invalidation de décrets, les graphées par un nomon, et les procédures de dénonciation, exangelia. La procédure de graphée par un nomon peut être déclenchée par n'importe quel citoyen, dès lors qu'il affirme sous serment qu'il considère comme inconstitutionnel un décret pris par l'Assemblée. La notion visée d'inconstitutionnalité était très large, puisque, outre l'acception strictement juridique du terme, elle pouvait s'étendre à des appréhensions plus substantielles de décisions tout simplement estimées inopportunes ou préjudiciables aux intérêts de la collectivité. Cette procédure d'invalidation fut très souvent utilisée au IVe siècle, se substituant d'une certaine façon à l'arme de l'ostracisme qui avait été largement utilisée pendant le siècle précédent contre les dirigeants politiques. La particularité du graphé par un nomon était en effet de ne pas viser simplement le retrait d'un décret, mais de viser en accusation celui qui avait proposé le décret. La procédure était ainsi, pourrait-on dire, une façon de protéger le peuple contre lui-même. Les décrets visés par cette action de graphé par un nomon avaient en effet nécessairement été précédemment votés par l'Assemblée des citoyens, parfois même à l'unanimité. Mais, estimait-on, le peuple avait pu, dans ce premier vote, avoir été abusé par des orateurs, par des arguments fallacieux, d'où l'utilité de la procédure qui permettait aux citoyens de se manifester sous un nouveau mode correcteur du premier, en siégeant, dans ce deuxième temps, sous la forme d'un large tribunal composé de juges tirés au sort. L'idée était bien sûr d'ériger un rempart contre les démagogues et aussi contre ces dénonciateurs parfois intempestifs, les sycophantes. Mais la procédure implique également une conception réflexive de la définition de l'intérêt général, comme décision d'une collectivité qui ne s'impose que dans la durée après avoir été mis à l'épreuve. Le jugement populaire à l'œuvre dans le graphé par un nomon correspond donc dans ce cas à un moment complémentaire et correcteur d'un processus entamé par le vote. Il est, pourrait-on dire, une forme de retour sur soi de la démocratie athénienne. La possibilité d'introduire une dénonciation était régulièrement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée des citoyens. C'est la seconde procédure, celle de l'exangelia. Tout citoyen pouvait déclencher cette procédure d'exangelia qui faisait alors l'objet d'un débat. Étaient susceptibles d'être poursuivis les actes jugés propres à renverser la démocratie, les erreurs de stratégie dans l'ordre militaire et, plus généralement, mais de façon également plus vague, la trahison de l'intérêt général. Si l'Assemblée le décidait, le tribunal du peuple pouvait alors être saisi. Tout en restant exceptionnel, la procédure a été régulièrement utilisée, puisqu'on a recensé 130 cas des Anghelia pour les années 492 à 322. Le grand ouvrage classique sur les Anghelia est celui du Danois Hansens, qui a également publié l'ouvrage de référence sur la démocratie à Athènes et qui a également publié un travail sous forme de monographie au graphé par un homone. Si l'Assemblée le décidait, le tribunal du peuple pouvait donc être saisi. C'était, là encore, une façon d'exercer un contrôle sur les dirigeants politiques d'Athènes, et tout particulièrement sur les chefs militaires qui, de fait, furent extrêmement souvent visés par la procédure. Les procès étaient, sur ce mode encore, une façon d'assurer une double régulation démocratique, constituée d'un côté de procédures politiques de légitimation, mais qui étaient toujours susceptibles d'être inversées par des procédures judiciaires de sanction. Autorisation et empêchement dessinaient ainsi à Athènes les deux pôles en tension permanente d'une démocratie toujours vivante. Une telle judiciarisation, entre guillemets, de la vie publique ne doit donc pas être mal interprétée comme l'indicateur d'une sorte de propension pathologique au contentieux ou comme le signe d'une humeur procédurière exacerbée. Il s'agit avant tout d'un trait proprement politique, d'une caractéristique démocratique. Pour Aristote, cette activité de jugement des citoyens tirés au sort précédait même en importance celle de la participation à l'Assemblée de la cité. Et nous avons vu précédemment également que les activités de contrôle et de surveillance étaient même considérées comme encore plus importantes que celles du vote directement. Les raisons de cette appréciation méritent d'être précisées car elles font apparaître des ressorts essentiels de la démocratie athénienne. On peut distinguer plusieurs éléments de cette préférence, pourrait-on dire, pour le jugement à Athènes. Il y a d'abord l'effectivité intrinsèque d'une sanction du passé par rapport à des mécanismes d'autorisation de l'avenir. Il y a une dissymétrie entre sanction du passé, je reviendrai longuement sur cette question, et autorisation de l'avenir. Le pouvoir fonctionnel du juré est en ce sens supérieur au pouvoir de l'électeur en assemblée du peuple, parce qu'il tranche une question de façon définitive. Il imprime avec certitude et irréversibilité sa marque sur le cours des choses. Les procès ont aussi, de fait, une fonction préventive à Athènes. Les types d'accusations qui sont formulées contre des magistrats, et plus encore contre des chefs militaires, sont souvent très radicales. Les qualifications de corruption ou de trahison sont ainsi assez facilement utilisées, alors même que les faits reprochés peuvent souvent apparaître relevés de fautes moins lourdes. Une telle tendance à ce qu'on pourrait appeler l'extrémisation des accusations contre les officiels, dont le peuple était mécontent, conduisait ainsi à opérer une sorte de mise en garde préventive. Les responsables d'une charge, qu'ils fussent tirés au sort ou élus par diverses instances, prenaient de cette façon conscience d'une certaine précarité de leur situation, en même temps qu'ils se voyaient rappeler les attentes sociales liées à l'exercice de leurs tâches. En se limitant à ces deux facteurs, on pourrait à la fois expliquer la centralité de l'activité du tribunal du peuple à Athènes et observer en même temps le mécanisme d'une certaine dérive démagogique d'un peuple ingrat et impulsif, toujours plus exigeant vis-à-vis de ses dirigeants, marqué par des impatiences, loin d'être toujours fondé rationnellement. Mais ce serait, cette façon d'appréhender les choses, oublier que les mécanismes de défiance et de mise en jeu ex post de la responsabilité en l'œuvre, à l'œuvre dans l'activité judiciaire, ne doivent pas être séparés des autres procédures de contrôle ex ante et de dévolution de la confiance à des gouvernants. Le propre de la démocratie athénienne, pourrait-on dire, est d'avoir articulé fortement ces deux mouvements, tout en soulignant une certaine supériorité fonctionnelle de la défiance. Le rôle central des procès politiques, et des procédures d'impeachment a encore une autre origine que l'on pourrait qualifier de mécanique et qui est très important à comprendre. Ce rôle des procès politiques correspondait en effet également à l'existence d'une opinion fortement divisée à Athènes. Lorsque les partis et l'idée étaient fortement opposés, les responsables élus proposaient donc parfois des politiques auxquelles des minorités pouvaient être très fortement hostiles. Et la mise en accusation devant un tribunal devenait alors pour ces minorités une sorte de voie de recours, une façon de reprendre la main dans le débat public. À la dissymétrie entre un exercice ex post de la défiance et une attribution ex ante de la confiance, se superpose aussi la distinction, dans cette mesure, entre majorité composite et minorité compacte, pour expliquer le rôle démocratique du jugement à Athènes. La mise en accusation est une ressource des minorités que l'on pourrait qualifier de compensatoire. Le jugement remplit de cette façon une double fonction politique à Athènes. Il met en jeu une autre temporalité du contrat politique qui permet de rendre plus effectif le lien gouverné-gouvernant. Et il corrige en même temps les dysfonctionnements des majorités en redonnant aux minorités leur chance de plaider une deuxième fois pour l'intérêt général. Les procès ont ainsi un double rôle de correction démocratique, conduisant à établir plus solidement, avec cette dualité, le pouvoir de la volonté générale. Ces procès permettaient d'abord de consolider l'expression périodique de la confiance dans les gouvernants par l'exercice permanent d'une défiance. Ils permettaient ensuite de remédier à la question centrale des démocraties, c'est le défaut d'unanimité. Permettait de remédier au défaut d'unanimité par la référence faite devant les tribunaux à une définition substantielle de l'intérêt général. Entre procédure judiciaire et procédure électorale s'opposent en effet deux définitions de l'intérêt général proches des différentes visions de légitimité que j'ai exposées dans le cours précédent. Il y a d'une part une définition substantielle de l'intérêt général fondée sur des éléments de droit et de valeur, et c'est cette définition qui est en cause et en jeu devant les tribunaux. Et il y a ensuite une définition qu'on pourrait appeler procédurale, électorale de l'intérêt général, qui est celle qui résulte de l'élection. Une définition substantielle devant le tribunal corrige donc une conception purement numérique qui est celle de la pratique électorale. Nous sommes donc très loin à Athènes de l'appréhension réductrice du judiciaire dont un Montesquieu au siècle des Lumières se fera le théoricien. Montesquieu, on le sait, qui considérait que le juge était une simple bouche de la loi. Le juge n'avait simplement à mettre au jour, si on peut dire, la correspondance entre un fait et un texte. C'est pourquoi Montesquieu estimait que la puissance de juger est en quelque façon nulle dans les états de droit. Eh bien, Athènes nous montre justement que cette puissance de juger n'est pas nulle, car cette puissance de juger correspond à des modes de formation de l'intérêt général, à des modes d'expression de la volonté générale elle-même, et à des modes d'expression également du rapport au gouvernant. Et l'exemple grec nous invite, au contraire de ce que suggère Montesquieu, à retrouver le sens de la complémentarité entre ces deux éléments du vote et du jugement, et de comprendre leur appartenance à un même exercice du contrôle de la vie de la cité. Examinons maintenant la deuxième forme d'intervention des citoyens sous une forme du procès, celle de l'impeachment anglais. Les institutions anglaises offrent un excellent exemple de la primauté historique qui a été accordée à la fonction de juger dans la hiérarchie des pouvoirs politiques des anciennes monarchies européennes. Tout est justice au Moyen-Âge, pourrait-on dire. La fonction du souverain est d'abord de rendre la justice, et on sait que la construction d'une forte autorité royale en termes administratifs eux-mêmes, dans des pays comme l'Angleterre et la France et l'Espagne, a été directement indexée sur le développement d'un système d'appel qui s'impose aux cours locales. Et l'idée d'un pouvoir exécutif actif, qui définit aujourd'hui pour nous l'idée de souveraineté, ayant un rôle d'organisation de la société, est en fait très largement absente à l'époque. Gouverner, être souverain, c'est d'abord et essentiellement administrer la justice. Les institutions représentatives elles-mêmes ne sont dans un premier temps appréhendées que dans cette perspective. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les Anglais définissent ainsi leur organe représentatif comme la High Court of Parliament, pas simplement le Parlement, la haute cour du Parlement. Et la loi elle-même est explicitement définie comme un jugement rendu en Parlement. Le pouvoir de juger est compris dans ce cadre comme le premier des pouvoirs, celui dont tout procède. C'est donc sur ce mode que le Parlement cherchera à affirmer une première forme de contrôle sur les ministres du roi. La procédure d'impeachment trouve là son origine, liée à l'élargissement progressif du concept médiéval de trahison. Elle donne en quelque sorte une dimension juridique procéduralement organisée à cette vieille accusation qui était une accusation morale et politique, mais qui n'était pas inscrite alors dans des procédures bien définies. La Chambre des communes inaugure la procédure d'impeachment en 1376 en mettant en accusation Lord Latimer, qui était un ministre dirigeant, ainsi en même temps que plusieurs grands négociants de Londres, pour, je cite l'acte d'accusation, « fraude, mais en même temps méfait à l'égard du roi et du peuple ». Le jugement du Parlement qui conduit à prononcer l'impeachment est ainsi perçu comme un acte juridique, mais aussi de fait, indissociablement, comme une appréciation politique. Fraude, c'est l'accusation strictement pénale, mais méfait à l'égard du roi et du peuple, la dimension plus proprement politique. Le compte-rendu de cette première séance d'impeachment note ainsi que les faits allégués étaient d'abord attestés par le sentiment général de la population. Il n'y a pas un acte d'accusation précis, c'est « the clamor of the people », la clameur du peuple qui pose les faits. Et que Latimer et ses complices ont donc été empêchés et accusés, c'est ce qui figure dans le compte-rendu des communes, par le mouvement général des communes, sans qu'il y ait aucun accusateur précis auquel ils auraient pu répondre. C'est donc un procès organisé de façon extrêmement vague d'un point de vue pénal, mais extrêmement puissante et précise d'un point de vue politique. Il y a donc vraiment, dans ce cas, une imbrication complète des notions de responsabilité pénale et de responsabilité politique. La seconde, la responsabilité politique, étant alors exprimée sous les espèces de la première, la responsabilité pénale. L'impeachment comme mode de contrôle politique est resté très usité en Angleterre jusqu'au milieu du XVe siècle, avant de tomber en désuétude sous les Tudors, qui réussissent à restreindre les droits de contrôle du Parlement. La suspension de la procédure d'impeachment est liée à cette reprise de contrôle des Tudors sur le Parlement, en même temps que les Tudors ont favorisé un autre type de procédure pour pouvoir poursuivre des personnes qui s'appelaient les Bills of Attainder. Un Bills of Attainder, c'est pas à proprement parler une procédure judiciaire, mais un acte qui est voté par les deux chambres et sanctionné par le roi. C'est un type d'acte qui a pour caractéristique de pouvoir être introduit pour des faits qu'aucune loi ne prévoit et qu'aucun texte donc ne peut mentionner. Et donc on a considéré que les Bills of Attainder étaient en fait, c'est l'expression qui était employée ensuite en Angleterre, de simples assassinats juridiques. C'est en fait le roi qui réussissait à manipuler le Parlement pour faire voter un bill of attainder et généralement pour mettre à mort un adversaire politique. Et donc il y avait une sérieuse dégradation, je dirais, entre l'ancienne procédure d'impeachment et la procédure des bills of attainder. Après une parenthèse de près de deux siècles, la procédure d'impeachment est littéralement ressuscitée au XVIIe siècle, au grand moment de la Révolution anglaise. L'artisan de cette résurrection a été un très grand juriste, le plus grand juriste anglais du XVIIe siècle, Edward Coke, C-O-K-E, qui était à un moment Chief Justice au King's Bench. Coke, qui est entré au Parlement en 1621, s'est attaché à redonner consistance à cette ancienne procédure de l'impeachment. Mais pour lui, il ne s'agissait pas simplement de retrouver le moyen de sanctionner un délit ou un crime commis par un homme public. Son objectif était de faire reconnaître et de sanctionner la responsabilité proprement politique des ministres. Dès 1624, il réussit ainsi à faire frapper d'impeachment le Lord Trésorier Lionel Cransfield. Au-delà des malversations personnelles, c'est l'action du ministre en matière d'autorisation des monopoles qui était visée. Le véritable motif du déclenchement de la procédure est ainsi tout simplement de renvoyer un ministre qui a encore la confiance du roi, mais qui n'a plus celle des communes. Et Coke souligne dans cette affaire que la Chambre des communes doit être considérée dans un tel cas comme ce qu'il appelle l'inquisiteur général de la société. Et cette vision triomphe de façon spectaculaire dès 1626, avant même donc le déclenchement du processus révolutionnaire anglais, lorsqu'un impeachment est lancé contre le duc de Buckingham, qui était le favori du roi Jacques Ier. S'attaquer par une procédure d'impeachment au favori du roi était donc un acte politique évidemment majeur. Le cas de figure était exemplaire parce que Buckingham était très soutenu par le roi, mais il était accusé par le Parlement, non pas de malversation, mais de mal accomplir sa tâche politique en tant que Lord Grand Amiral. Et la procédure, si elle n'a pas abouti, a installé définitivement l'idée que le Parlement devait agir comme juge de l'action politique des ministres. Le Parlement n'est pas simplement, et peut-être pas d'abord, c'est encore très présent dans la vision d'un John Stuart Mill, le Parlement n'est pas simplement l'organe qui vote les lois, mais l'organe qui met en permanence en jugement l'action politique du cabinet. L'argumentation juridique de Coke mérite d'être soulignée car elle est extrêmement intéressante. Coke a réussi en effet à faire coïncider le maintien de l'idée de prérogative royale en matière de souveraineté avec le développement de procès contre les ministres du roi. S'il a affirmé cette prérogative royale, toute l'astuce juridique de Coke a été d'en réduire paradoxalement la portée en l'absolutisant dans des termes qui conduisaient à la réduire à un principe totalement abstrait. D'un côté, Coke réaffirmait solennellement le vieil adage selon lequel le roi ne pouvait jamais mal faire. The king can do no wrong. En même temps, qu'il soutenait que le Parlement devait agir de façon autonome, bien qu'au nom du roi, pour sanctionner les ministres. En effet, disait-il, si c'est le roi qui jugeait directement en sa cour, il affaiblirait sa puissance, il diminuerait sa souveraineté, en étant à la fois juge et parti. Et Jacques Ier fut pris au piège par cette idée qu'il était virtuellement représenté dans les chambres dans le moment de l'impeachment. La consécration de son rôle et de sa prééminence se payait de la sorte de la réduction de son pouvoir à une fonction éminente, mais beaucoup plus symbolique. Et c'est dans ce mouvement qu'est le ressort de la transformation constitutionnelle sous-jacente à la Révolution anglaise. Le pouvoir de contrôle était bien exercé au nom du roi, mais en dehors de son contrôle effectif. C'est d'ailleurs de cette façon que les révolutionnaires purent prétendre quelques années plus tard, après le déclenchement de la guerre civile, qu'ils combattaient le roi au nom du roi. Après la fin de la Révolution, en 1688, la victoire du Parlement sur le pouvoir royal permit au premier d'exercer plus directement son rôle politique, conduisant à un déclin rapide de la procédure d'impeachment. Le contrôle parlementaire sur les ministres par le vote annuel de l'impôt et du budget, la formation des deux grands partis et la pratique du gouvernement de cabinet permit l'émergence d'une responsabilité solidaire et politique qui se substitua de fait à l'ancienne responsabilité pénale et individuelle. Les votes de défiance, pourrait-on dire, remplacèrent à partir de ce moment la hache et le billot à Westminster. Mais cet indéniable progrès ne doit pas faire oublier l'idée que la mise à l'épreuve de la responsabilité reste toujours en substance de l'ordre d'une mise en accusation suivie d'un jugement. Et nous verrons tout à l'heure que cette considération est essentielle pour saisir l'esprit de l'idée d'opposition en Angleterre. Si la responsabilité politique a ainsi bien été historiquement un substitut de la responsabilité pénale, la dernière tentative d'impeachment, je le rappelle, est celle qui était dirigée contre Walpole en 1742. C'est donc au moment où le parlementarisme britannique triomphe que est défunte la procédure. C'est enfin la poursuite de la faute politique qui va remplacer avec efficacité la stigmatisation plus limitée du crime. Mais il y a dans les deux cas, responsabilité politique et responsabilité pénale, dans les deux cas une même préoccupation d'infliger une sanction, de mettre à l'épreuve, de mettre en échec, de rendre justiciable de ses actes un individu. C'est de cette façon que l'on peut considérer qu'une logique de type judiciaire continue de sous-tendre le système politique et parlementaire moderne. La mise à distance des peines anciennes ne doit pas le masquer. Les conditions de cette évolution des formes de mise à l'épreuve de la responsabilité ont bien sûr varié selon les pays. Le Royaume-Uni a indéniablement constitué la forme la plus accomplie d'une responsabilité politique effective. Et à l'autre bout du spectre, pourrait-on dire, la France, probablement, c'est un fait essentiel, parce qu'elle était marquée par un régicide fondateur, a succombé à la tentation de l'érection d'un président souverain, mais irresponsable sous la Ve République, les ministres de leur côté pouvant s'abriter sous cette ombre tutélaire. Troisième exemple du citoyen juge, c'est la procédure américaine du recall. Le recall, le rappel américain, est une procédure de révocation des élus qui constitue ainsi un troisième exemple historique d'une pratique de la politique sous des espèces proches de celles d'un jugement. Ce type d'action, le recall, existe actuellement à titre principal dans une quinzaine d'États. Je vous rappelle en effet que sur la plupart des dispositions constitutionnelles, il y a des spécificités assez nettement marquées selon les États américains. Ce type d'action existe donc à titre principal dans une quinzaine d'États, essentiellement de l'Ouest et du Middle-Ouest, et à titre secondaire, sur des éléments très, très ponctuels et beaucoup plus limités, dans 36 États. La procédure a été mise en place pour la première fois dans l'État de l'Oregon en 1908. La Californie, l'Arizona, le Colorado et le Nevada suivant immédiatement. Mais la première expérience historique de recall n'a pas été au niveau d'un État, mais au niveau d'une ville, car il est également possible d'organiser des recalls au niveau d'une ville, et la première expérimentation de recall contre le maire d'une ville, c'est à Los Angeles en 1903. L'adoption du recall s'est inscrite ainsi au début du XIXe siècle aux États-Unis dans un vaste mouvement de critique des déficiences de la démocratie américaine de l'époque. Dans un vaste mouvement aussi de dénonciation de la corruption de trop nombreux politiciens. Et le recall a formé, avec le système des primaires et l'introduction du référendum d'initiative populaire, un ensemble correcteur des mécanismes du gouvernement représentatif. C'est le Progressive Movement qui a défini en quelque sorte ces trois éléments comme le cœur d'un programme de rénovation de la démocratie américaine il y a environ un siècle. En termes pratiques, le recall est une procédure de révocation des élus qui est initiée par une campagne de pétition qui demande le renvoi de l'un d'entre eux. Tout commence donc par une pétition qui doit être revêtue d'un nombre minimal de signatures, généralement de l'ordre de 25% du corps électoral, et si la pétition recueille, à peu près, ça dépend des constitutions des États, 25% du corps électoral, alors un vote de recall est organisé. Pratiquement, tous les officiers publics peuvent être concernés, du gouverneur ou des membres du Parlement de l'État aux simples élus locaux, en passant par les procureurs, les shérifs et même dans certains cas les juges, y compris des juges des cours constitutionnelles d'État. Il y a des exemples de recall contre des juges de cours constitutionnelles d'État qui ont été gagnés. Et des gouverneurs, on le sait, ont ainsi été chassés de leur poste à l'issue d'une telle procédure. Il y a eu deux exemples dans l'histoire américaine. Le dernier exemple, on le sait, c'est en 2003, la révocation de Gray Davis, le gouverneur de Californie, suivi de son remplacement par l'acteur de cinéma Arnold Schwarzenegger. Il y a eu aussi des maires qui ont été rappelés. Celui de Cleveland en 1978 ou celui d'Omaha en 1987. C'est donc des villes très importantes. Enfin, des milliers d'élus à des postes moins importants ont fait l'objet d'une procédure de recall. On estime qu'au XXe siècle, environ 10 000 officiers publics américains ont été rappelés. Et on ne compte pas simplement des responsables politiques dans des fonctions élevées. On compte aussi, dans le recall, beaucoup d'élus révoqués dans des institutions, je dirais, de base de la société américaine, notamment les school boards. Les school boards, c'est des commissions d'éducation qui jouent un rôle majeur dans la détermination de la politique scolaire. Et les conflits sur les school boards sont souvent très importants aux États-Unis. Il y a eu tous les conflits, on le sait, sur le busing, pour, dans une perspective de lutte contre la ségrégation, déplacer des étudiants de leur endroit où ils vivaient vers des endroits peut-être plus défavorisés pour essayer de multiplier les écoles qui étaient composées de personnes de différentes communautés. Les school boards, enfin, qui ont une importance très grande car ils définissent le curriculum des écoles. Et on sait bien comment dans un certain nombre d'États, il y a tout le débat, par exemple, sur le créationnisme. Et donc, là, les school boards sont au centre de débats extrêmement chauds, disons-nous. Mais il y a également, ce qui est très intéressant, des responsables d'irrigation districts, c'est-à-dire du district d'irrigation, ceux qui gèrent la ressource de l'eau. Et la ressource de l'eau, on peut penser que c'est un poste très limité, mais non. Dans des États comme le Nevada ou la Californie, qui sont à moitié des déserts, pour les agriculteurs, c'est décisif. Même chose pour des commissions au niveau des comtés. Donc, on a une activité qui est très large et qui vise en quelque sorte tous les gestionnaires, d'une manière ou d'une autre, disons, des intérêts publics. Le recall, on l'a appelé aux États-Unis, souvent une forme d'ostracisme ordinaire. Comment comprendre le sens de cette procédure? Il est très commun, et c'est dans cet esprit que l'ont appréhendé les responsables du Progressive Movement et à leur tête Theodore Roosevelt. Il était commun de l'appréhender au début du siècle comme une forme radicale de démocratie directe, qui était apparentée et qui pouvait être appréhendée comme l'équivalent d'un référendum d'initiative populaire. Et c'est de fait dans ces termes qu'elle a souvent été décrite, cette procédure du recall, dans l'Amérique du début du XXe siècle. En termes techniques et procéduraux, il est vrai que le recall est de bout en bout une expression du pouvoir commandant du suffrage universel, puisqu'il commence par une pétition et qu'il se termine par une élection. Mais l'essentiel me semble ailleurs. Ce que d'ailleurs la littérature de sciences politiques et d'histoire consacrée au recall a généralement peu aperçu. Tous les ouvrages concernant le recall sont généralement des ouvrages qui sont consacrés à la démocratie directe et qui examinent les différentes figures de la démocratie directe américaine. Et le recall, c'est un chapitre de la démocratie directe. L'essentiel me semble ailleurs, non pas dans les modalités de la procédure qui lui donne une tonalité de démocratie directe, mais dans la nature même de l'opération à laquelle il procède. Formellement, le recall s'apparente à un vote, dont l'enjeu est un renvoi. C'est donc apparemment un simple vote de défiance qui annule la précédente déclaration de confiance qui avait été l'élection au poste concerné. Mais il n'y a pas en fait de dissymétrie entre les deux opérations. L'élection est un vote, une sélection entre divers candidats, alors que le recall est plutôt de l'ordre d'une appréciation, d'un jugement sur les actions d'une personne déterminée. Même s'il présente des analogies avec la procédure du référendum, le recall ne peut être appréhendé comme une alternative au gouvernement représentatif. Il vise en fait principalement à restaurer une bonne représentation en sanctionnant des officiers publics suspectés de malhonnêteté ou d'incompétence. Les citoyens qui votent lors d'un recall agissent en fait collectivement comme un jury. Un jury qui statue sur les accusations portées par les initiateurs de la pétition. Les initiateurs de la pétition, agissant eux, pourrait-on dire, pour poursuivre l'analogie procédurale, sur le mode d'un grand jury. Ces citoyens qui votent sur une pétition de recall sont donc des juges et non pas des électeurs. La formulation des pétitions destinées à déclencher la procédure de recall atteste clairement de cette nature quasi-judiciaire de l'entreprise. Elle se présente en effet comme de véritables actes d'accusation. S'ils soulignent la parenté du vote et du jugement, ainsi que leur possible commutation, ils invitent également à penser leur perversion réciproque. Aux marges des pratiques démocratiques usuelles, le recall en souligne de la sorte les virtualités et les dangers cachés. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Pierre Rosanvallon. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goéné. Ladies and gentlemen, this is the act where we put Nadine in the suitcase. We must prepare the body. France Culture présente Rain, comme une pluie dans tes yeux, le nouveau spectacle du cirque Éloise au Théâtre du Trianon à Paris du 28 mars au 21 mai. The suitcase. No. Emblématique du nouveau cirque contemporain, cette troupe québécoise propose un moment de théâtre acrobatique et poétique en abordant la thématique des émotions et des souvenirs liés à l'enfance. Oui, une création mise en scène par Daniel Finzi-Pasquin pour le cirque Éloise du 28 mars au 21 mai avec France Culture. événement présenté dans le cadre de Francophonie, le festival francophone en France. Une chose me tracasse. Répondez, pourquoi ma fille est-elle morte alors que votre fils est vivant? Et où étiez-vous quand elle est morte? Vous couchiez avec votre mari, tandis que mon enfant agonisait dans mes bras. Je ne la connaissais pas. Elle couchait avec son mari pendant que ma fille mourait. Et même si je couchais avec lui, à présent, il s'agit de mon fils. Pourquoi paierait-il la mort de votre fille? France Culture présente L'Enfant en rêve de Hanok Levin dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig du 25 avril au 20 mai au Théâtre National de la Colline à Paris. Un enfant dort sous les yeux attendris de ses parents. La guerre survient, entraînant la mère et l'enfant dans la fuite et l'exode. Histoire, humour grinçant et fantaisie cohabitent en un kaléidoscope terrifiant. Mais s'agit-il du monde ou d'un cauchemar du monde? L'enfant en rêve, au Théâtre National de la Colline, à Paris, du 25 avril au 20 mai, avec France Culture. Marine est un homme dans son siècle, dans le sens de la l'activité. L'activité, et on peut changer les choses. Alors que moi, j'ai l'impression, mais c'est aussi lié à ce que je fais, hein, que d'une part, on peut pas changer grand-chose, que la chose que peut faire un artiste, c'est effectivement donner des émotions et poser des questions, pas dire trop de bêtises, essayer de poser les bonnes questions, mais qu'on n'a pas les réponses et qu'on a très peu de poids sur le monde. Pour dire une banalité, les nazis adoraient Schubert. Donc on n'a pas vraiment un poids sur le monde. Un inconnu tout particulier, du 1er au 5 mai, une série d'entretiens qui donnent à entendre un long fragment d'une conversation ininterrompue depuis plus de 15 ans, la réunion sous le signe de l'amitié de deux personnalités, Marine Karmitz, réalisateur, producteur, passeur de films, et le plasticien Christian Boltanski. Sur France Culture, du 1er au 5 mai, le dialogue inédit de Marine Karmitz et Christian Boltanski dans Avoigny, chaque soir à 17h. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire, à l'occasion des 60 ans du vote de la loi dite Marthe-Richard, a évoqué cette semaine la prostitution et ce matin un débat sur le thème avec des historiennes. 10h, c'est le temps des humanités, tire ta langue, avec Marc Fumaroli, auteur de Exercices littéraires de Rabelais à Paul Valéry, paru chez Gallimard. 11h, fiction au feuilleton, Les Mayas, roman d'une famille portugaise, de Essa de Queiroz, 4e épisode. Enfin, 11h30, les chemins de la connaissance autour des 5 psychanalyses de Freud nous proposent une lecture critique de ces cas célèbres à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Freud. 4e cas, le président Schreber, un cas de paranoïa, avec Paul-Laurent Assoun, psychanalyste. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous, bienvenue sur France Culture, le programme de cette matinale du jeudi 4 mai 2006, avec à 7h20 les enjeux internationaux consacrés aujourd'hui à Malte. Malte, 2 ans après son adhésion à l'Union Européenne. Puis à 7h40, l'invité de France Culture ce matin sera le jeune président de l'association des audionautes, Aziz Ridouan, 18 ans. En quelques mois, il s'est imposé comme le porte-parole des tenants du peer-to-peer, cette technologie qui permet aux internautes d'échanger des fichiers musicaux et vidéos à travers le monde. C'est donc un principe de liberté, de mutualisation des biens culturels qui vient percuter de plein fouet le droit d'auteur, et on a souvent rendu compte dans l'émission de ce très vaste débat de l'ère numérique et de sa rocambolesque traduction politique lors des différentes séquences du débat parlementaire sur le sujet fin 2005, début 2006. C'est aujourd'hui même au Sénat que cette loi sur le droit d'auteur à l'ère numérique va être discutée, avec un débat prévu justement sur le peer-to-peer. Faut-il interdire ces logiciels qui permettent donc aux internautes d'échanger des fichiers, illégalement mais aussi légalement? On imagine que la réponse à la question varie d'un interlocuteur à l'autre. De l'interdiction de ces logiciels pour les détenteurs de contenus musicaux ou vidéos à la revendication de la liberté sur le net, quitte à trouver des moyens pour rémunérer les artistes. Voilà, on terminait une émission sur le sujet il y a quelques mois en disant qu'on en reparlerait très vite et que bien des questions restaient en suspens dans cette loi. Chose promise, chose due, on en parle donc aujourd'hui avec Aziz Ridouan. Et Et à 7h sur France Culture, la première édition du journal vous est présentée par Jean-Louis Crimon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Zacharias Moussaoui condamné à la prison à vie par le tribunal fédéral d'Alexandria. Le jury a donc rejeté la peine de mort, même si la décision commune des jurés n'a, semble-t-il, pas été facile à prendre. Dans un instant, explication de Marc Crépin à Washington. En France, Jacques Chirac et Dominique de Villepin n'en ont pas fini avec l'affaire Clearstream. Le Premier ministre se retrouve à nouveau sur la sellette après la publication par notre confrère Le Monde de nouveaux extraits inédits. L'Élysée et Matignon ont démenti et Nicolas Sarkozy a évoqué l'affaire Clearstream en clôture de la convention UMP, une convention consacrée à la justice et à la nécessaire réforme du système judiciaire. Reportage Marc Fauvel. Les portes de l'Europe qui se ferment pour la Serbie. Le général Mladic n'ayant pas été arrêté et livré, comme le gouvernement serbe s'y était engagé, l'Union européenne a décidé de suspendre les négociations sur l'accord d'association. Jean-Arnaud de Reims nous appellera de Belgrade. Enfin, au Tchad, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle ne devraient pas être connus avant le 14 mai prochain. Le président sortant, Idriss Déby, pratiquement sûr d'être réélu pour un troisième mandat, devrait voir sa victoire ternie par une très faible participation. Correspondance à N'Djamena, Stéphanie Braqueuë. Zacharias Moussaoui condamné à la prison à vie par le tribunal fédéral d'Alexandria pour son rôle dans les attentats du 11 septembre 2001. Le jury a rejeté la peine de mort et choisi la perpétuité. Moussaoui devient de fait le premier condamné aux États-Unis pour ces attentats qui ont bouleversé toute l'Amérique il y aura bientôt 5 ans. Bien que son rôle n'ait jamais été établi avec certitude, le jour des attaques, il faut tout de même le rappeler, il était en prison dans le Minnesota pour un visa périmé. Hier, la juge Léonie Brinkema a passé 2 interminables minutes à consulter le verdict avant de déclarer. Les jurés ne recommandent pas la peine de mort. Et apparemment, Marc Crépin, la décision des jurés n'a pas été très facile à prendre. Il faut effectivement imaginer le poids qui pesait sur les épaules des jurés. On ne s'était pas privé de leur rappeler surtout qu'ils allaient prendre une décision historique, non pas à cause de l'accusé lui-même, mais parce qu'il était le seul à comparaître dans un procès lié aux attentats du 11 septembre. Les 12 jurés ont eu besoin de plus de 40 heures de délibération. Délibérer est un acte très technique. Je vous rappelle qu'à l'issue de la première phase, ils avaient jugé que Zacharias Moussaoui pouvait encourir la peine de mort ou à défaut la prison à perpétuité puisqu'il s'était déclaré coupable. 3 premières questions avaient été posées au jury. Elles portaient sur la responsabilité de Moussaoui, sa cruauté et la préméditation. Il fallait atteindre l'unanimité, c'est pourquoi elles étaient déterminantes pour la suite. On ne sait pas combien de jurés ont choisi la peine de mort pour ces premières questions. Ensuite, ils ont examiné les circonstances atténuantes et aggravantes. L'unanimité n'était plus nécessaire, mais la majorité s'est souvent dégagée pour estimer, par exemple, que Moussaoui devait son engagement dans l'islamisme extrémiste à son enfance malheureuse. Ils ont aussi refusé de le considérer comme un schizophrène et de dire qu'il cherchait le martyr. 9 hommes et 3 femmes anonymes ont donc délibéré durant 7 jours avec l'immense responsabilité de parler au nom de l'Amérique et de décider de la vie ou de la mort de l'accusé. Reste maintenant, Marc Crépin, 2 questions. Que va-t-il se passer désormais et surtout, quelle va être la vie de Zacharias Moussaoui? Eh bien, tout à l'heure, la juge Brinkema va prononcer la sentence. On le sait, ce sera la prison à vie. Évidemment, un appel reste techniquement possible, mais dans l'après-midi, il est à peu près certain que Zacharias Moussaoui prendra un avion qui l'emmènera à Florence dans le Colorado. Une cellule l'attend dans un pénitencier de très haute sécurité, surnommé l'Alcatraz des Rocheuses. Il y vivra désormais dans un espace de 8 mètres carrés, équipé d'une fenêtre minuscule et aux meubles de béton, sans radio, sans télévision, sans presse et surtout sans jamais rencontrer personne. Ses repas seront servis dans la cellule et dans cet univers climatisé, il ne connaîtra plus les saisons et ça jusqu'à la fin de sa vie. Il ne pourra sortir qu'une heure par jour. Marc Crépin en direct de Washington. Et puis sachez que l'ambassade de France à Washington offre la protection consulaire à Zacharias Moussaoui. Le gouvernement français est prêt à offrir à Zacharias Moussaoui la protection consulaire à laquelle il a droit en tant que ressortissant français. Mais celui-ci ne l'a jusqu'ici pas demandé. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'ambassade française à Washington. Dans un communiqué, l'ambassade de France explique avoir envoyé le consul général de France et un responsable de l'ambassade à chaque session du procès. L'ambassade précise également avoir pris note de la condamnation à la prison à vie de Zacharias Moussaoui. Cette décision a été prise par un tribunal indépendant d'un pays souverain. Le procès de M. Moussaoui s'est déroulé de manière